Allô Elisa, tu fais quoi ce soir? Allô Elisa, est-ce que tu peux me voir? Ça me fait tellement plaisir, je ne peux pas m'endormir. Si t'es avec Gainsbourg, dis-le Elisa, mais ne me laisse pas la planter comme ça. Allô Elisa, dommage pour ce soir. Allô Elisa.